şeke tere bo şeke merhaba saya baba ikere boş inere bo şateke ya babo my god repentez-vous un jour Christ reviendra motuno etuna mina motema na ngai ekozala ndenge ninye motuno etuna mina motema na ngai ekozala ndenge ninye motuna ngwe komo bangisa ngayo olobetoni motema kuno kwebimisi nzembo kanisa pesosola passeras-tu ton éternité? Motuno et ton ami na motema na ngai. Eko zalandenge nini ye. Motuna mweko mobangi sangayo. Malobe mati motema mono pesali nzembo. Akoya lokola moyibi. Yaya milengela. Ekozala ndenge ninye Mokolo Yesu akozonga Ekozala ndenge ninye Plusieurs me diront à ces jours-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Alors il leur répondra, je vous ai jamais connu Vous qui commettez l'iniquité Libala nanga nazwa ndenge ninye Bana nanga bauta wapi Lopango pe mituka nazwa bambongo ndenge ninye onga yoyoyo Eko zala ndenge ninye Tango kelelo eko beta Yaya na mosika basantu bako mata Bakuta nana basantu Le plus important, c'est pas ce que tu as ou ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. L'élément essentiel et le plus important, c'est la relation avec Dieu. Pas de service sans la nouvelle naissance. Roland Dalolo Ata. Ngambo sala nzambe. Onction na ngai uta wapi Yo politicien manda na yo ozwa ngo ndenge nini Repent, Jesus is coming Where will you spend your eternity? Bongo la motema Yesu azozonga kala mingi te Wapi yo olekisa eternite na yo Ai motuno yoi Mokolo yoko zonga Nako se retrouve wapie Ngabate yang assurance di salu Kazi motuno yoi Kaya mokolo yoko zonga yoi Kanisa eglise Bongo la motema, deko nanga melikoya yeba peliwa ezalie bongola motema ya